L'actualité à Nancy et ailleurs. Du 14 au 16 décembre va avoir lieu à Nancy une exposition vente d'artisanat himalayen. Alexandra Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'antenne locale pour l'association Solimal, donc qui porte cette action. Avant de parler précisément de ce qu'on va pouvoir découvrir, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'association Solimal ? Oui, c'est une association qui existe depuis 30 ans et qui aide notamment les réfugiés tibétains en Inde et au Népal, ainsi que souvent les villageois du Népal, qui sont aussi de confession bouddhiste, mais pas seulement, parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient aussi beaucoup besoin d'aide. Et on fait ça par l'intermédiaire de parrainages essentiellement, de chantiers solidaires, de voyages solidaires, et on finance aussi des projets locaux grâce à nos expositions-ventes qu'on organise dans différentes villes de France. Et traditionnellement, à Nancy, eh bien, ça se passe au mois de décembre. Oui. Alors ça se passe aussi à la salle Mienville, à l'hôtel de ville de Nancy, donc du 14 au 16 décembre. Donc vous le disiez, ces expositions-ventes servent à financer les différentes actions que vous organisez pour les peuples d'Himalaya. Oui, qu'on organise ou qu'on finance en partenariat avec d'autres associations. Notamment cette année, on est en partenariat avec une association pour planter des arbres dans le Langtang qui avait été dévasté pas mal par le tremblement de terre et aussi avec des problèmes de glissement de terrain avec des moussons assez importantes. Et donc ça favorise l'exode rural et les gens à Katmandou, ils n'ont pas plus à manger et plus de travail que dans les montagnes. Et du coup, le but, c'est de créer des projets pour qu'ils puissent être autonomes dans leur région, quoi. Alors pour soutenir votre action à l'association Solimal, donc il y a plusieurs méthodes. Il y a le parrainage, vous l'avez cité, mais il y a aussi donc venir à ces expositions en vente. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur place ? Eh ben, vous pouvez découvrir déjà les différentes actions de l'association, des photos, des documents, etc. Mmh. Et puis, vous pouvez acheter de l'artisanat himalayen qui est donc fabriqué en Inde ou au Népal, surtout. Il y a de l'encens, du thé qui est de très bonne qualité, des vêtements, des objets de culte bouddhiste comme des bols tibétains. Il y a des bijoux qui sont fabriqués là-bas. Il y a beaucoup de pierres dans les montagnes. Il y a du papier de riz. Avec la pâte de riz, ils transforment beaucoup de choses en papier. Il y a de la musique. Et puis, vous pouvez échanger sur si vous avez des questions, si vous êtes intéressé aussi pour parrainer ou pour voyager avec Solimal. On est là pour répondre à vos questions et pour échanger. C'est ouvert de 10h à 19h du 14 au 16 décembre. Oui. Donc, l'argent récolté va directement donc, pour en aide au Tibet et au peuple de l'Himalaya. Un exemple concret d'aide qui peut être apportée ? La plantation d'arbres dans le Langtang. Il y a aussi un projet de financement du déplacement d'un village dans le Mustang à cause de la sécheresse et du réchauffement climatique. Les gens y vivent à presque 4000 mètres et en fait leur ruisseau ne coule plus assez ni régulièrement, donc il va falloir financer le déplacement du village. Et donc une partie de l'argent des expositions de cette année va servir à financer la reconstruction du village, il faut mettre l'électricité, etc., etc. Comment on peut retrouver les informations concernant votre association Solimal ? Eh ben, il y a un site internet, solimal.org. Sur ce site, vous avez les infos sur les expos, les infos sur les parrainages, les infos sur les voyages et les chantiers solidaires qui sont organisés. Il y a aussi un chantier qui est prévu et le financement va... Des expos, c'est aussi pour qu'on aide à la construction de la cour d'une école dans la vallée de Katmandou. Puis sinon, vous pouvez toujours envoyer un mail ou téléphoner au contact qui est sur l'affiche. Donc voilà, le 03 88 27 33 00. 06 82 93 17 30 pour les informations plus locales, on va dire. Eh bien, Alexandra Antoine, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup à vous de nous avoir consacré du temps. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.